Toujours en Corée, au delphinarium de Dongnan, les phoques de la mer de l'Est de Corée ont fait leur apparition pour les plaisirs des citadins. Le dompteur leur a appris lui-même les techniques. En avril de l'année passée, lors de la première représentation, les phoques se contentaient de saluer ou de serrer la main avec les spectateurs, mais aujourd'hui, ils possèdent des talents surprenants. Ces phoques mesurent 1,5 mètre de longueur et pèsent environ 60 kg.